C'est une blague de chez de Pascal de Handaï, Pascal au féminin. Pascal, très jolie région. Voilà. Ouais. Handaï, oui. Ouais. C'est l'histoire d'un... Bon, mon cher Laurent. Ne commencez pas. Pyrénées Atlantiques. Hein. Allez. C'est l'histoire d'un tacti... merci mon Dieu. Statisticien. Alors mon cher Laurent, c'est l'histoire d'un tacticien. Non. Non. Allez, on continue. D'un statistique. Statisticien. Tactique. Bob, ta gueule, laisse-le finir. Il était presque. Il y arrive pas. Ah oui, tu l'aides vachement. Regarde-moi ça. On dira un lapin pris dans les phares d'une voiture. C'est l'histoire d'un tactique. Oh non. Fais-le. Non, mais découpe-le en trois. Ah oui, Bob, découpe-le, s'il te plaît. Moi, j'en peux plus. Statisticien. Oui, bravo. Alors. Maurice, alors maintenant, dis-le d'un coup. Allez, dis-le d'un coup, maintenant. D'un coup. Qui vient chez... Ah non, mais non, d'un coup. Maintenant, tu sais le lire. J'arriverai jamais. Mais si, on pourra pas la diffuser. C'est l'histoire d'un tactique. Non, merde. C'est maman. Non mais comment ? Attends, tu sais que tu peux te faire du fric parce que là c'est de l'abus de faiblesse. Abus de faiblesse sur le personnage. Non, pas du tout. Alors, cher Laurent. C'est l'histoire d'un statisticien. C'est pas mal. Qui vient chez ce Serge. Ah, c'est encore ce cher Serge. C'est ce cher Serge. Merci Pascal. Oh non. Étudier la profilération du... Quoi ? Il n'y a pas un mot de bon. Profilération. Il n'y a pas une syllabe de bonne. On joue. C'est vrai qu'on n'était plus habitués. Vous êtes bien dans On va se marrer. Aujourd'hui, nous jouons à Anagramme. Remettez les syllabes dans l'ordre. Bon. Oh là là, Maurice. Tu vas nous tuer, Maurice. Attends, mon cher Laurent. Oui. Ah, Pascal. Pascal de Handaï. Merci, Pascal. Ah, de l'Handaï. Salope. Oh non, on avait dit qu'on n'insultait pas les titres. Oh non, Maurice, tu déconnes. Non, vraiment. Mais elle a déjà écrit. Hein. Oui, c'est le retour du Handaï. Ça me rappelle des super souvenirs. J'avais dit que du Handaï. Oui. Alors, c'est l'histoire d'un... D'un statisticien. Oh la vache! Il manque un S. Allez, on fait avec le S. Parce que la suite est plus dure. Statisticien qui vient chez ce Serge. Très bien, étudier la prolifération des fourmis qui font du bruit la nuit. Attendez. Il décide une dissociation des traitements pour éradier cette invasion. Non, éradiquer. Éradiquer cette invasion. C'est pas fini, oui. Éradier, c'est à Fessenheim. C'est pas Handaï, ça. Mais en fait, il se rend compte que trois tortues trottaient sur trois toits étroits. Oh la vache! Oh là là!